Bonjour ou bonsoir, vous écoutez le premier numéro de Livecast. Alors Livecast, c'est un podcast dédié à la culture du jeu vidéo créé dans les médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Et à chaque numéro, composé de différentes chroniques et avec différents invités, nous allons parler de jeux vidéo, avec à chaque fois un sujet principal qui sera un petit peu notre débat du jour, qu'on abordera plutôt sur la fin du podcast. Et en commençant par des petites chroniques, tout d'abord une première dédiée à l'actualité, puis une autre à nos coups de cœur et à nos coups de gueule du moment. On enchaînera par les débats et on vous invitera sur la fin à voter pour le prochain débat du prochain numéro de l'AFCast. Pour ce premier numéro, je suis en présence de Gabin. Bonjour Gabin. Bonjour. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour qu'on sache qui tu es, ce que tu aimes, etc. Ça fait à peu près 5 ans que je suis habitué à jouer aux jeux vidéo au moins une heure par jour. J'aime bien les jeux vidéo d'action, le multijoueur et la coop surtout. D'accord. Et du coup, moi, c'est Alexis, et profil de joueur, pas mal de jeux Nintendo, grand passionné de jeux vidéo et aussi d'histoire du jeu vidéo, et notamment amateur de discussion autour du jeu vidéo. Et également joueur PC, un petit peu de jeux en ligne, etc. Curieux, j'aime bien jouer un petit peu de tout. Moi, ce que je peux t'inviter à faire, c'est de commencer par présenter nos actualités et on va un petit peu discuter de ces actualités. Pour mon actualité du jour, c'est la nouvelle mise à jour de Payday 2, qui est un jeu qui peut se jouer soit en solo, soit en coop, autour de braquages multiples et diverses. Comme par exemple dans la nouvelle mise à jour, un nouveau braquage qui vient d'arriver, c'est le braquage de la Maison Blanche. Ok. C'est plutôt sympathique. Et donc c'est vraiment la Maison Blanche qui a été reconstituée et on peut aller braquer tout ce qu'il y a dedans. C'est un très grand niveau qui fait plutôt laguer avec un PC, même si on a un PC costaud, parce qu'il y a 2-3 niveaux... De trois étages, on va dire. D'accord. D'ailleurs, je crois que j'ai vu des images sur Internet. Je crois que c'est à la Paris Games Week qu'ils avaient reconstitué le bureau de Donald Trump et les gens avaient la possibilité de prendre des photos. Et au départ, je ne savais pas à quel jeu ça correspondait. Et en fait, là, tu es en train de me donner la réponse. Parce que moi, PD2, c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué. Et du coup, maintenant, je comprends mieux avec la tête de Trump qui était floutée, etc. Ça fait pas mal de temps que tu joues à PD2 ou quoi? Ça doit faire 6-7 mois. Ouais. Je l'ai acheté quand il était en promotion. J'ai dû l'avoir à 19€ avec tous les DLC à ce moment-là. Même si depuis, il y en a des nouveaux qui sont sortis. Mais il me semble que j'ai une centaine d'heures dessus. Donc okay. C'est pas mal. Et là, c'est un DLC payant ou... Non, là, c'est entièrement gratuit. D'accord. Ok, et... pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix? Enfin, on a des infos là-dessus ou c'est juste ça correspond pas forcément à une actualité ou... Non, pas forcément. Il n'y a pas que cette carte-là. Il y a une carte d'un hôpital aussi, mais ça suit l'histoire du jeu, en fait. Et du coup, cette carte-là, tu as eu l'occasion de la tester? La Maison Blanche, je ne l'ai pas encore faite, mais c'est en fait, ça suit l'histoire du jeu et du coup, c'est un peu une espèce de fin en soi du jeu, car après avoir fini le braquage... La fin du braquage, c'est on prend dans la Maison Blanche, dans le coffre-fort de la Maison Blanche, des papiers. C'est des papiers, ils appellent ça des pardons. Et c'est pas la traduction exacte, mais c'est en gros des papiers qui t'enlèvent tous tes crimes dans l'histoire du jeu. Là, si je me trompe pas, PD2, c'est un jeu qui a dû sortir il y a 2 ou 3 ans maintenant. Enfin, il commence déjà à dater et c'est vraiment cool. Plus de 2 ou 3 ans, oui. Ouais. La continuation du jeu, la continuation des mises à jour, c'est surtout si leur jeu, parce qu'ils sortent un nouveau jeu, le studio Overkill, je sais pas si t'as vu passer ça, mais c'est The Walking Dead, c'est un nouveau jeu The Walking Dead qui va sortir. Ben si ce jeu-là marche bien, même si pour l'instant il est pas très bien accueilli par quelques critiques, si ce jeu-là marche bien, il y aura sans doute plus de mises à jour sur Payday 2. D'accord. Ouais. Et là, tu vois, je viens de vérifier comme quoi le temps passe vite. En fait, il est sorti en 2013, PD2. Et donc, c'est assez Déjà. fou de se dire que 5 ans après, les mecs continuent à sortir des DLC gratuits, quoi. Parce que ça leur coûte quand même de l'investissement, c'est du développement de niveau, etc. Bah, y a aussi les serveurs à payer, hein, parce que c'est. Ils ont des Bah après, serveurs ils doivent multi. se financer avec d'autres choses. Bon, déjà, le Bah, fait de. y a quelques skins que tu peux avoir en jeu et qu'il y a à la CSGO où tu peux les échanger et Ah les oui, ok, vendre tu peux sur le aussi marché. customiser des armes, etc. Oui. Et Mais après, tout, à mon avis, tu peux avoir tout en jeu sans payer. l'idée de communiquer autant, parce que là, si j'ai bien compris, je crois, bah, j'en reviens à la Paris Games Week, mais le stand était vraiment énorme. À mon avis, leur objectif, c'est carrément de revendre de nouveau ce jeu, quoi. Bah, C'est. il a très bien marché, oui. Ben ouais, mais se dire que. Enfin, ça fait quand même 5 ans, des jeux qui arrivent à durer aussi longtemps dans le temps, ça reste une minorité. Dans le domaine du jeu de tir, ça va être les jeux compétitifs style CSGO. Counter-Strike et compagnie. Mais par exemple, tu prends la durée de vie d'un Call of Duty, il cartonne sur une année, et après, paf, on l'oublie, on passe au Bah, suivant. après, c'est normal, ils en sortent tous les ans. C'est d'ailleurs, j'ai regardé, c'est. Pour la sortie du nouveau Call of Duty, ça, j'ai vu des statistiques et en fait, enfin, c'est pas des statistiques, mais c'est le nom. Ça fait 15 ans que ça a débuté la franchise Ouais. et il y en a 15 qui sont sortis, exactement, Ouais, donc avec ceux en de cette moyenne, ça année. fait un par Ça an, quoi. fait exactement un par an, donc Ouais, ça fait quand même oui, un gros paquet. c'est plutôt court. Après, on sent que là, dernièrement, l'engouement autour de Call of Duty retombe un petit peu, quoi. C'est un peu le syndrome Assassin's Creed. Oui. À vouloir en sortir trop souvent, finalement, je pense que les joueurs se lassent et préfèrent se mettre ailleurs. Et il y a aussi des effets de mode, c'est-à-dire que, ben, ça, on pourra en parler peut-être plus tard, mais les joueurs vont peut-être plébisciter d'autres jeux de tir qui sont actuellement plus populaires que. Alors après, hein, Call of Duty, ça se vend encore par caisse, c'est absolument monumental. Mais j'ai l'impression, faudrait peut-être vérifier les chiffres, mais que depuis Black Ops 2, notamment, que ça a un petit peu retombé. Il y avait eu, je crois qu'Advanced Warfare avait pas super bien marché, l'accueil critique avait pas été Non, foufou. c'était trop par rapport aux premiers objectifs du jeu qui où c'était reconstituer une bataille de la Seconde Guerre mondiale, ça s'éloignait beaucoup, on va dire, ça Et partait dans le futur. il y a eu aussi Ghost, Ouais, celui-ci, je où sais ça pas s'il a c'était. super bien marché. Bah, l'histoire était sympa, mais sans plus. Mais on voit clairement que c'est plus forcément la franchise ultime. Enfin, aujourd'hui, il y en a qui arrivent à générer du chiffre d'affaires beaucoup plus important. Et ça en dit peut-être long aussi sur l'évolution du modèle économique du jeu vidéo. Là, par exemple, Fortnite qui explose. C'est intéressant, on sait que c'est un jeu gratuit qui se finance autrement avec des battle pass, etc. Et pour quelqu'un qui a envie de jouer à un jeu de tir, peut-être que les parents vont plutôt plébisciter. Alors là, je parle du cas pour des ados ou des enfants, mais se dire, bon, on va plutôt aller sur du Fortnite qui est gratuit. Et après, s'il y passe du temps, mettre un peu d'argent dans un pass de combat ou dans un skin. Là où, mine de rien, Call of Duty, quand il sort, bah, c'est 60-70 euros. Ouais, mais c'est surtout parce que ça. Enfin, c'est plus plébiscité par les parents parce que ça a plus un aspect enfantin, Fortnite, Oui, que après, il y a ça fait clairement ça. moins. Hein. Call of Duty a une image peut-être moins élégante, peut-être plus violente Plus à la manière réaliste. d'un GTA. On sait que la sortie d'un Call of Duty ou d'un GTA, souvent, ça relance des débats sur la violence dans le jeu vidéo. Alors, c'est un petit peu le cas avec Fortnite, mais l'esthétique cartoon, le côté un peu dessin animé, finalement, fait qu'on en parle un petit peu moins. Les questions qu'on se pose sur Fortnite sont autres généralement que celles de la violence. Mais pour revenir sur le nombre de sorties et l'engouement autour du jeu, bah, par exemple GTA, ils en sortent vraiment pas souvent. Là, ça doit faire 5 ans, je crois aussi, qu'ils ont sorti, qu'il est Ouais, sorti le ça 5 commence à et. dater. Et ce qui est assez fou, c'est que l'année dernière, donc en 2017, il se positionnait encore dans les 10 jeux les plus vendus de l'année. Enfin, c'est ça Moi, qui est je l'ai acheté l'année intéressant dans. dernière. Ah ouais, tu l'as acheté l'année dernière? Mais c'est ça qui est intéressant avec des jeux comme PD2. Ça va aussi être le cas de Mario ou de jeux comme ça. C'est que c'est des jeux qui arrivent à s'inscrire dans le temps. C'est pas forcément. Alors, PD2, il a bien marché à sa sortie, mais c'est des jeux qui espèrent vendre sur le long terme et pas forcément qu'à un moment précis. On sait que la plupart des jeux, quand ils sortent, leur vie en fait se fait sur le premier mois. On sait que si le premier mois a rapporté beaucoup d'argent, c'est un jeu qui a réussi et que c'est fini ensuite. Il y a qu'à voir par exemple les bacs de soldes dans les cash converters et les enseignes d'occasion. C'est que la plupart des jeux, notamment sur les consoles Sony et Xbox, la plupart des jeux vont être à 5 ou 10 € quelques mois après la sortie. Alors que justement, sur des jeux comme du Mario, hop, sur le long terme, on continue à en vendre. J'avais halluciné, je crois que c'est en 2016, je regardais le top des ventes de jeux vidéo sur Amazon, et le New Super Mario Bros. Wii était encore dans le top 100 des ventes. Enfin, c'est un jeu qui a 10 ans maintenant, quoi. C'est assez fou. Bah, un peu comme Minecraft. Ouais, bah Minecraft, là c'est encore plus large. C'est que, à mon avis, dans quelques années, quand on parlera de la génération de jeux des années 2010, on parlera de la génération Minecraft. Mais surtout que là, ils sont à 130 millions de ventes, c'est, il me Ouais, non mais semble. c'est incroyable. La dernière fois que j'avais regardé, c'était dans ces eaux-là. Ben, je crois qu'il se classe maintenant, alors c'est peut-être pas le premier, mais dans le C'est le top 3 deuxième. J'ai regardé, des jeux les plus vendus de tous les temps, quoi. C'est le deuxième juste derrière Tetris, où Tetris était D'accord. 140 Ah millions oui. Ben, tu vois, ou j'étais 150. persuadé. Alors, c'est peut-être justement le troisième, je crois que c'était Wii Sport. Parce que Wii Sport, en fait, était vendu en bundle avec la Wii, et du coup, il avait explosé tous les records de vente à l'époque. Parce qu'en plus d'être un jeu qui, pour l'époque, était assez révolutionnaire, c'était le jeu qui était fourni avec la console, donc tout le monde avait Wii Sport à la maison. Mais ouais, ça vaudrait peut-être le coup de vérifier ça. Est-ce que tu avais peut-être quelque chose à rajouter sur Payday 2 ou pas? Non, pas vraiment, mais Y a déjà d'autres ça. choses qui sont annoncées pour plus tard sur le jeu ou là aujourd'hui on sait que voilà, il y a Non, c'est ces toutes les mises à jour nouvelles-là? sont vraiment surprises. Ils font des. Enfin, pour celle-là, j'ai pas eu le temps de suivre. J'ai vu juste quand elle est sortie et qu'il y a eu, c'est 1 giga de mise à jour et que je me suis intéressé à ça. Mais c'était au fur et à mesure parce que j'ai remonté un peu et sur Steam, ils avaient sorti des petits teasers. Des petites en fait ils font pas leur mise à jour d'un coup, ils sortent des petits bouts de mise à jour au fur et à mesure. Ils sortent une map par-ci, une map par-là, et à la fin t'as toute ta mise à jour entière Mais tu vois, j'ai toujours pas joué à PD2 et je crois qu'une mission de braquage dans la Maison Blanche, ça pourrait éventuellement me donner envie de m'y mettre, tu vois. Ça doit être quand même assez étonnant de se dire que bah voilà, on est en train de braquer la Maison Blanche. Je pense que c'est un peu inédit. Moi, j'ai sélectionné aussi une petite actualité qui m'a marqué ce mois-ci et qui va pas durer forcément très très longtemps. Parce que c'est un des Humble Bundle du moment. Alors pour ceux qui connaissent pas Humble Bundle, alors ouais, là Tetris. Gabin est en train de me montrer le classement des jeux les plus vendus. Donc en première position c'est Tetris, ensuite Minecraft, GTA V qui est troisième et Wii Sport qui est quatrième. Comme quoi on était pas loin. Et ce qui est assez drôle, c'est que GTA V c'est un jeu dont on parlait tout à l'heure. Donc clairement on est sur des jeux phénomènes. Là c'est C'est GTA 5, c'est avec 85 millions d'exemplaires vendus Ah oui. et Wii Sports, c'est 83. Ah bah tu vois, j'imaginais quand même que Wii Sport c'était un petit peu plus. Après, c'est vrai qu'ils ont sorti des Wii qui n'étaient pas forcément toujours en bundle avec Wii Sport. Ensuite, il y a eu Wii Sport Resort et il y a eu plein d'autres packs avec Mario, etc. Mais ça va faire que monter, étant donné que au fur et à mesure des années, de plus en plus de personnes jouent aux jeux vidéo et achètent des jeux, donc Bah, c'est clair que là, on parle de jeux console, mais à mon avis, même sur les smartphones, il doit y avoir plein de jeux qui arrivent à atteindre ces scores-là. Tu Non, vas mais du coup, en prendre. général, c'est pas des jeux payants. Ouais, bah en fait, c'est des free-to-play, C'est c'est-à-dire des free-to-play, que mais gratuit, et pay to ensuite, tu peux faire progress. des achats dans le jeu. Mais je connais pas les chiffres de téléchargement d'un Candy Crush, mais ça doit être Ah, hallucinant, enfin. mais il y en a beaucoup. Je sais que Clash of Clans dépasse les 100 millions et Ouais, quelques voilà. autres jeux comme ça Mais connus. après, c'est pas de la vente, quoi. Mais Après, c'est. c'est plus facile d'avoir 100 millions de téléchargements d'un jeu gratuit que de vendre 100 millions d'exemplaires d'un jeu qui va être, par exemple, Minecraft, ça va être Au 25 euros début, le c'est. jeu. Ben, ouais, maintenant c'est 23 sur PC. Enfin, à moins que tu l'achètes sur Windows 10. Moi, je l'ai connu à l'époque où il était à 10 euros. Moi, je l'ai acheté à 15. Ouais, bah 15, ça devait être vers 2009-2010, à C'était mon avis. quand c'était encore Mojang, l'éditeur. Ouais. Bref, j'en reviens à mon Humble Bundle, du coup mon actualité du moment. Alors comme je disais, pour ceux qui ne connaissent pas Humble Bundle, c'est un site qui vend des bundles, donc des espèces de coffrets de jeux vidéo. Alors c'est du dématérialisé, il n'y a pas de format physique. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir mettre plus ou moins la somme qu'on veut dans ce bundle, et en fonction du prix qu'on met dedans, on va pouvoir avoir différents paliers de jeux. En sélectionnant à qui on veut reverser ces montants, c'est-à-dire que est-ce que j'ai n'importe quoi, si je mets 10 euros dans un bundle, est-ce que je mets 8 euros pour l'éditeur et 2 euros pour une œuvre caritative, éventuellement pour. Je sais pas, je pense que Humble Bundle doit prendre une commission évidemment là-dessus, sinon ils auraient aucun Il me intérêt semble que à ouais, faire que ça. c'est pas significatif, mais il y a une commission. Mais comme ils ont leur store à côté. Oui, c'est clair, ça peut faire le coup de hameçonnage, quoi. Ça peut attirer les gens vers le site web. Et du coup, là en ce moment, il y a le Humble Day of the Dev Bundle 2018. En gros, tous les ans, le site Humble Bundle, depuis 2015, donc c'est la quatrième édition, propose un espèce de super bundle avec une espèce de best-of des meilleurs jeux indés de l'année. Et cette année, hein, je trouve que le bundle est vraiment pas mal du tout. Alors, il y a d'abord le premier palier qui commence à partir de 1 centime. Donc, en gros, on donne ce qu'on veut à partir d'un centime et on peut avoir deux jeux. Alors, les deux, je les ai pas testés. Il y a Full Throttle. Toi, je crois que tu l'avais testé. Non, j'ai vu un let's play sur YouTube qui j'ai regardé, ça m'a paru plutôt sympa. J'ai bien aimé le let's play, c'était un let's play de Bob Lennon. Ok, et du coup là c'est une version remaster. Et l'autre c'est un petit jeu d'aventure qui s'appelle Burly Man at Sea qui a l'air vraiment sympa, l'ambiance visuelle a l'air vraiment cool. Mais c'est surtout à partir du palier de 7 euros, donc si vous donnez 7 euros ou plus, vous débloquez de nouveaux jeux. Et les trois jeux du palier de 7 euros, on a Rime, donc c'est un des gros jeux indépendants de l'année qui est passée, qui est sorti sur à peu près toutes les plateformes. Hein. En plus, ils avaient fait un max de pubs. Il y a eu sur Switch, sur PS4. Alors là, du coup, c'est sur Steam. Pour celui-ci, je crois pas qu'on ait de version sans DRM, mais il y a certains jeux dans le lot qui ont une version sans DRM, donc là aussi, ça peut être intéressant. Le deuxième, c'est Hotline Miami 2, donc la suite du premier Hotline Miami, dans lequel on incarne un personnage qui va affronter des espèces de vagues d'ennemis, il va falloir se déplacer en vue du dessus dans des bâtiments, récupérer des armes. C'est un peu sanglant, mais C'est l'ambiance surtout est très rapide complètement. et très speed Bah, en fait, on pourrait même dire que c'est du die and retry, c'est-à-dire comme. que tu vas mourir X fois avant de comprendre vraiment la mécanique du truc et comment passer chaque niveau. Mais ce qui avait fait son succès, à mon avis, c'est déjà un gameplay qui était vraiment efficace. Les graphismes qui Et sont l'ambiance plutôt sympas, musicale. oui. La Ouais. BO était dingue. Je sais que d'ailleurs pour le 2, ils avaient sorti une version collector. On pouvait s'acheter le vinyle des musiques d'Hotline Miami. C'était vraiment cool. Et le troisième jeu, c'est un jeu de plateforme aussi qui a plutôt bien marché, qui est sorti aussi sur à peu près toutes les plateformes. Peut-être pas sur Switch, c'est Yooka-Laylee, où on incarne un petit caméléon et tout. Le jeu est vraiment cool. J'avais eu l'occasion de le tester rapidement sur PS4, mais pas sur PC. Et là, en plus, gros coup de bol, je me suis pris le bundle. Alors, j'ai mis 7 euros, moi, je suis pas monté jusqu'au palier supérieur. Mais c'est que des jeux que j'avais pas, que j'ai eu l'occasion plus ou moins de tester, mais que j'ai pas fini. Et ensuite, il y a un autre palier à plus de 11 euros où il y a Minit. Et Minit, j'ai vu tout à l'heure, j'avais pas vu l'image de ce jeu, mais il est classé dans les meilleurs jeux de l'année. C'est un petit jeu indépendant, j'ai l'impression que c'est en noir et blanc, ça a l'air pas mal, ambiance un peu cartoon. Et l'autre qui s'appelle Hyper Light Drifter, que j'ai pas eu l'occasion de faire, et bah là que j'aurais pas non plus l'occasion de faire vu que j'ai pas mis les 11 euros. En fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'est le palier à 7, hein, c'est Rime, Hotline Miami et Yooka-Laylee, c'est trois jeux que je voulais faire, que j'avais pas encore eu l'occasion d'acheter, donc là c'est parfait. Franchement, que des jeux que j'aurais tendance à recommander. Hotline Miami, on sait que c'est du gameplay super efficace. Rime, moi, c'est plutôt l'ambiance graphique et sonore. Ça se rapprocherait presque d'un journée, tu vois, c'est des environnements avec des couleurs un peu pastel et tout, ça a l'air vraiment chouette. Et Yooka-Laylee, c'est vraiment du jeu de plateforme 3D, hyper rafraîchissant. On est aussi dans un truc ambiance un petit peu dessin animé. Ça peut rappeler, pas forcément dans les mécaniques de jeu, hein, mais dans le fait que c'est un monde en 3D, jeu de plateforme, à mi-chemin entre du Mario 64, un peu du Ratchet & Clank, etc. Avec certainement des petites phases de réflexion. Enfin, moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Il y a un petit côté limite un peu Nintendo, et ça, c'est assez cool. T'as eu l'occasion de jouer à certains des jeux dans le lot ou pas du tout? Hotline Miami, mais du coup le j'ai testé, mais c'est le 1 enfin, Ouais. que j'ai et que je trouve qui est vraiment vraiment sympa Tu l'avais fait comme sur jeu quelle plateforme? sur PC. Ah, parce que moi, je l'avais testé sur PS Vita. Et je trouvais que sur PS Vita, ça s'y prêtait super bien. Parce que Hotline Miami, c'est le jeu sur lequel tu vas faire plein de petites sessions de 30 minutes, 1 heure. Et le côté console portable était vraiment super agréable. Sur PC, moi, je vais plutôt être sur des jeux où je vais me caler pendant un certain temps. Après, là, ça dépend de comment on joue chacun, hein, mais. Non, moi pareil, mais en Bah, du coup, général je je. préfère sur PC, je suis plus habitué, c'est niveau Mais ça, maniabilité. clairement, c'est du jeu qu'on va plutôt faire à la manette, par contre. Tu l'as fait Moi au je clavier? le fais au clavier, ouais. Ah oui? Mais je suis beaucoup beaucoup plus habitué au clavier avec les CSGO et compagnie. Mais tu vois, autant pour un jeu de tir, je suis assez d'accord avec toi, ça vaut clairement le coup d'être plutôt sur du clavier souris, ça permet d'avoir une précision qu'on peut difficilement avoir à la manette. Mais sur des jeux comme ça, je trouve. Ça me fait penser par exemple à un autre jeu indé qui s'appelle Super Meat Boy. Super Meat Boy, au départ, je l'ai téléchargé sur mon PC et je l'ai testé au clavier, juste au clavier, puisque la souris sert à rien. Je l'ai même fini au clavier, mais ça a été une abomination. Et le jour où je l'ai testé à la manette, ça a été une révélation, quoi. J'ai fait waouh, c'est tellement plus facile. Pareil pour The Binding of Isaac. Et en fait, à mon avis, alors c'est pas le cas pour Binding of Isaac, mais tu vois que Super Meat Boy a été développé pour être joué à la manette. Et à mon avis, ça doit être un peu le cas aussi pour du Hotline Miami. Moi, je trouve que, à part si t'as une visée auto avec ta manette, ça serait quand même plus précis, parce qu'au niveau des ennemis, pour bien toucher et bien réussir Bah là, à... il y a un peu la notion de tir, mais par exemple, sur un Super Meat Boy. Oui, sur un Super Meat Boy, oui, ouais. Là, enfin, moi je trouve que c'est limite de la torture au clavier en fait. Après, tu sais que tu joues un Super Meat Boy pour souffrir un peu, mais au clavier c'est vraiment une abomination le truc. Enfin, clairement, à la manette, t'as un confort de jeu qui est complètement différent. Je saurais même pas trop le décrire en fait, à mon avis. Mais de toute manière, je crois que dans les réglages, c'est marqué que le jeu est préférable sur manette. Parce que tu peux avoir en même temps ta gâchette, la touche pour sauter, enfin. C'est vraiment plutôt bien foutu. Moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'actualité. Moi, ce que je ferais, c'est vous inviter à profiter de ce bundle. Il est disponible jusqu'à la mi-novembre, donc ça arrive très vite. Après ça, c'est un petit peu fini. Sachant que je trouve qu'actuellement, des bundles aussi qualitatifs sur Humble Bundle, il y en a de moins en moins. Je trouve que depuis que Humble Bundle a été racheté, je crois que ça date de 2017. Ils ont été rachetés. Ouais, par un gros magazine américain, si je ne me trompe pas. Clairement, les bundles sont moins qualitatifs. Bah oui, je trouve que avant il y avait ça donnait vraiment envie d'acheter. T'avais des jeux vraiment sympas et Ben, il qui y avait sortaient du plein de petites lot. sélections de jeux indés, etc. Alors, effectivement, maintenant, ils arrivent à nous dégoter des fois des machines de guerre, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un bundle dédié à l'univers de Batman, et tu vas avoir tous les jeux Batman et tout. Effectivement, c'est cool, mais j'ai moins l'impression de faire des jolies découvertes qu'avant. En plus, maintenant, ils font pas mal de propositions autour du livre, il y a pas mal de livres électroniques, de logiciels, etc. Alors, effectivement, c'est cool, mais pour la personne qui veut du jeu vidéo, de la découverte, du jeu indé, etc., c'était un petit peu l'optique et le but à la base d'un Ouais, Humble Bundle. c'était un peu la base, les bundles du site, donc Je trouve ça un petit peu moins cool aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le bundle de l'année. Je crois que cette année, j'en ai acheté beaucoup moins. Je dois être sur 3, 4 maxi. Mais celui-ci, clairement, le meilleur de l'année. Alors là, l'idée, c'est qu'on passe sur une nouvelle chronique. On lui a pas encore défini de nom. C'est un petit peu les coups de cœur et les coups de gueule. Ça pourrait même porter ce nom, hein, les coups de cœur, coups de gueule. L'idée, c'est qu'on vous propose chacun soit quelque chose qui nous a marqué positivement ou négativement au cours du mois. Et je vais commencer par te donner la parole, Gabin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as adoré ou détesté au cours des dernières semaines? Un jeu que j'ai découvert par hasard en me baladant dans les actualités Steam, c'est Basement, il s'appelle. C'est un jeu où on incarne un chef de gang, c'est en 2D, en vue de côté, on voit la profondeur du terrain, et du coup au début on est dans une petite maison, il coûte, c'est 9 dollars, il me semble. Mais on est dans une petite maison, on achète des pièces au sous-sol, on construit des pièces où nos employés peuvent se reposer, pendant que, en fait, comme c'est un jeu de drogue surtout, dans les pièces on peut les aménager pour pouvoir cuisiner ou faire pousser diverses plantes. Et en surface, on peut aussi faire des petites pièces pour vendre la marchandise, et on peut embaucher, il me semble que c'est une quinzaine d'employés. Donc c'est du jeu de gestion, en fait, il faut semi-gestion, je saurais pas vraiment le définir, mais on peut envoyer nos employés attaquer. Parce que c'est sur une map, en vue de côté, où on voit tous les autres, bases des ennemis. C'est en 2D, en fait. Oui. Et du coup, on peut envoyer ses employés attaquer diverses bases ennemies. Après, il y a un mode qui est pas vraiment histoire, c'est plus campagne, où on suit les aventures de deux protagonistes qu'on incarne, en fait. En ambiance, ça a presque l'air d'être du Breaking Bad. Ouais, c'est ça qui m'a attiré. Je crois que j'ai déjà vu des images, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Mais ça a l'air vraiment cool. Là, je suis en train de regarder rapidement des images et on voit vraiment l'environnement en 2D avec les souterrains. Et en gros, on peut rajouter des pièces sous le sol, y attribuer des personnes pour cuisiner, des drogues, les vendre à l'étage, etc. Ça a l'air assez rigolo. Mais ça a l'air d'être très basé quand même gestion pour optimiser ta production, etc. T'embauches des personnages suivant leurs caractéristiques. Tu peux choisir dans une liste de personnages qui sont générés aléatoirement. Mais je trouve que pour un jeu de gestion, comme tu dis, c'est plutôt simple par rapport aux autres que j'ai pu tester. Même si finalement maintenant les jeux de gestion se casualisent, mais... Ouais, ça dépend, en fait. Dans les jeux de gestion, déjà, il y a plein de sous-genres. Là, ça me ferait presque penser à... comment ça s'appelle, le jeu où tu dois créer un jeu vidéo? Game Dev... Game Dev Tycoon. Ouais. J'ai beaucoup joué parce qu'il est depuis... Enfin, pas depuis, mais quand je me suis rendu compte qu'il était sorti sur portable. Mm. Et j'ai bien aimé ça quand je me baladais dans les transports en commun... Mm. Parce que là, clairement, on est aussi sur un principe dans Game Dev Tycoon où tu vas employer des développeurs en fonction de leurs compétences. Oui, tu vas faire des choix en fonction du genre de jeu que tu veux faire, etc., non ? Oui, mais c'est pas exactement pareil, parce que là, c'est les personnages, on les emploie selon leur... c'est leur... Enfin, on peut les choisir selon leur endurance, le salaire qu'on va leur verser, la vitesse à laquelle ils vont produire la drogue, et leur vie et leur force pour aller attaquer les ennemis. Mais on peut pas vraiment, enfin pas comme dans Game Dev Tycoon, choisir, enfin voir tout le long du développement d'un jeu, voir par exemple les nombres de points qui montent et tout. Non, là c'est la drogue sera toujours pareille, c'est juste qu'elle sera produite plus ou moins rapidement selon les personnages. Oui, il n'y a pas de niveau de qualité, c'est plutôt... plus tu vas être efficace, plus tu vas en pouvoir produire beaucoup et rapidement, et éventuellement le vendre aussi mieux. Au fur et à mesure, on découvre d'autres drogues qui peuvent se vendre plus rapidement, mais c'est un petit jeu, c'est un dé, c'est pas sans prétention, enfin il n'y a pas. Du coup, ça vaut ces 10 euros ou est-ce que tu dirais aux gens, bah, n'hésitez pas à mettre 10 euros ou est-ce que tu aurais préféré l'acheter moins cher ou même plus cher Plus cher, non, mais 10 euros, c'est un. Enfin, c'est pas vraiment un bon prix, mais si. C'est pas trop cher, on va dire. C'est un jeu auquel on va facilement rejouer ou une fois que tu as fait Moi, tes parties? j'y rejoue souvent. Bah, c'est un jeu qui est pas trop. Pas trop. Qui met pas trop de temps à se mettre en place, en fait. C'est très rapide comme. Ouais, il y a limite un côté. Moi, j'aime bien dire arcade dans le sens où tu t'installes, tu lances ton truc, quand t'as fini, tu le lâches et tu y Ouais, reviens voilà, en après, plus fait, c'est. tard. T'as pas de. Parce que t'as un mode libre. Et quand t'as fini la campagne qui est plutôt courte, qui a plus comme rôle de. Enfin, Tutoriel. y a trois tutoriels. Et puis sinon, il y a 4-5 missions de campagne qui sont plus des petites missions fun et pas. Enfin, avec un enjeu de temps, de. Faut avoir du coup récolté tant d'argent après. Après, avec par exemple tant de jours dans le jeu. Mais ça m'a fait un peu penser à FTL dans les Ah oui, graphismes, même si FTL c'est vu de dessus, où du coup tu gères ton équipage, où tu regardes dans quelles compétences ils sont le plus forts pour bien les placer dans les différentes pièces. Après, sur le jeu indé, on sait qu'il y a... C'est à la fois une mode et je pense qu'il y a aussi une contrainte technique. Pour oui, les jeux en 2D. Jeu 2D, un peu pixelisé, etc. Parce que on sait que quand on est sur des petites équipes qui n'ont pas forcément des gros moyens, c'est plus facile de produire un jeu avec des graphismes plus simples Ou que... même des personnes seules, mais moi je trouve que ça fait Ah mais après, ça ça a donne son charme, un hein. petit cachet Il y a un côté un peu rétro. Pour ceux qui ont aimé les jeux de l'époque NES, NES, etc., bah forcément, ça touche un peu à la fibre nostalgique et ça, c'est assez cool, hein. Moi je trouve que ça fait rétro, mais sans faire vieux en fait, Oui. ça fait rétro moderne. Ouais, bah, c'est quasi devenu aujourd'hui un courant en fait. Il y a plein de jeux qui appliquaient un peu ce style. Il y avait eu aussi les jeux style Broforce et compagnie qui étaient un peu dans cette esthétique 2D, pixelisée. Enfin, il y en a plein. Hein, du Fez. Alors, Fez est un peu particulier, mais. Broforce qui lui aussi est mieux à la manette. Oui. Ah oui, Qui bah, est surtout clairement. fait pour la manette. Bah ouais, non, mais. Mais ça, c'est un élément, ça pourrait peut-être être un débat un jour sur comment sont pensés les jeux. Clairement, en fonction de la technique et de la technicité qu'on veut donner au jeu, du gameplay, penser notre jeu plutôt pour de la manette, plutôt pour du clavier. Et après, justement, pour des jeux qui sortent en multi-support, comment les développeurs font pour que le jeu soit à la fois agréable à la manette, au clavier souris, enfin, c'est super intéressant comme truc, parce que ça a un impact réel sur le jeu. Un jeu auquel tu vas jouer au clavier ou à la manette, tu vas pas du tout avoir la même expérience de jeu. Moi, par exemple, on parlait tout à l'heure de Journée. Journée, c'est un jeu que je m'imaginerais pas du tout faire au clavier souris. Parce que voilà, il y a quelque chose de relaxant, t'es posé avec ta manette, enfin. Moi, quand je suis au clavier souris, j'ai l'impression que c'est. Après, c'est une sensation qui est purement personnelle, C'est hein. compétitif. Il y a limite un côté compétitif. En gros, tu tryhardes, t'as envie d'avoir du résultat, etc. T'as besoin de précision. C'est pas ce que tu recherches du tout. C'est même complètement l'inverse dans un journée. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça peut. Non, moi je trouve pas que enfin, j'éprouve pas ce sentiment, mais enfin, c'est peut-être parce que j'ai plus été habitué à jouer au clavier souris et je joue beaucoup moins à la manette. Enfin, en manette, j'ai une manette pour mon PC, mais sinon, genre pour les quelques jeux de course que j'ai fait, par Et exemple The Crew. jeu de course, tu préfères au clavier ou à la manette? Ça dépend. The Crew, j'ai testé à la manette, j'ai testé au clavier. C'est bien les deux, mais quand j'ai la flemme de ressortir ma manette et tout, Ouais, donc vraiment, je reste au clavier clavier. souris à 200%, quoi. Ben, ouais, du coup sur The Crew, j'y joue avec des potes qui eux sont sur PC, mais du coup qui sortent leur manette et qui trouvent que c'est mieux à la manette. Moi, j'ai pas vraiment de. De Enfin, préférence. vu que j'aime beaucoup l'action, du genre. Enfin, les FPS, du genre TF2, CSGO, voilà, qui sont beaucoup mieux au clavier souris. Donc. Ok. Bah, tu parlais de TF2. Alors moi, dans mes coups de cœur, coups de gueule, j'ai hésité entre deux sujets. En coup de cœur, je voulais peut-être parler de Overwatch, que j'ai enfin testé un petit peu en retard. Tout le monde y joue depuis 2 ans et je m'y suis enfin mis. Overwatch qui est dans les 10 jeux les plus vendus d'ailleurs. Ouais, bah qui cartonne de dingue, quoi. Qui cartonne toujours, mais surtout grâce à l'e-sport. Ouais. Et justement, en fait, j'hésitais entre faire un coup de cœur sur Overwatch, donc que j'ai découvert, ou un coup de gueule, alors pas sur Fortnite, mais sur une nouveauté dans Fortnite qui me plaît pas trop. Et du coup, de quoi est-ce que tu préfères qu'on parle? Je te pose la question, est-ce que tu préfères qu'on parle un petit peu d'Overwatch ou de ce qui m'a déçu dernièrement dans Fortnite? Bah, je veux bien t'écouter dans ce qui t'a déçu dernièrement dans Ok. Fortnite, parce que même si, bon, ça va faire bien 6-7 mois que je suis plus du tout l'actualité, Ouais. que j'ai désinstallé le jeu. En gros, pour recadrer un petit peu les choses, parce que, à mon avis, c'est important quand on parle de ce qui peut nous décevoir dans un jeu, de connaître un petit peu le background. Moi, je suis un plutôt gros joueur de Fortnite, j'y joue quasi quotidiennement. Je commence à avoir un niveau qui est pas dégueu, on va dire. Et ce que je regrette, c'est que j'ai l'impression, enfin, c'est pas qu'une impression, je pense que c'est une réalité, c'est que sur ces dernières semaines, là, enfin, il y a une vraie contradiction dans ce jeu. C'est-à-dire que d'un côté, on a Epic Games qui investit à mort sur l'e-sport. C'est-à-dire que clairement, un des objectifs, c'est de donner de la visibilité au jeu et que ça Ouais, devienne un jeu compétitif. que ça dure dans le temps. C'est ça. Mais que d'un autre côté, j'ai l'impression que les dernières mises à jour casualisent un petit peu le jeu. La saison 6 est vraiment intéressante, il y a plein de nouveautés qui sont chouettes, etc. Mais il y a deux trucs qui me dérangent pas mal. C'est, alors à mon avis, ça c'est temporaire, ils ont intégré un mode avec des zombies, mais dans le jeu normal. C'est-à-dire que tu peux plus faire des parties solo ou duo sans zombies. Il y a des zombies qui apparaissent. Et en fait, quand tu tues les zombies, tu gagnes du shield, ça, en gros du bouclier, donc de la vie en plus. Alors qu'ils sont hyper faciles à battre, enfin vraiment. Et ils apparaissent un peu partout sur la map autour de cristaux. Et en plus de ça, quand tu les tues, ils lâchent des armes. C'est-à-dire qu'un joueur qui n'est pas bon, en début de game, il peut déjà être full vie, full bouclier, et avec des armes légendaires s'il a fait que farmer des zombies. Et donc en fait, tu peux te retrouver en opposition à des joueurs qui sont pas terribles, mais qui sont ce qu'on appelle overstuffés, c'est-à-dire qu'ils ont un stuff qui est abusé, quoi. Du bazooka, de la scar dorée, bref, c'est absolument fou. Et deux autres trucs, maintenant quand tu es en hauteur, tu peux sauter et planer dans les airs, donc tu ne peux plus chuter. Donc, par exemple, les batailles de construction n'ont plus aucun sens, parce que dès que tu prends l'ascendant sur quelqu'un, bah, il prend la fuite. Ah, c'est parce qu'avant, moi je me souviens que c'était juste quand tu pouvais reprendre ton parachute quand tu sautais sur un trampoline, mais Ouais, sinon. exactement. Et pour les zombies, j'avais une autre question, c'était ils repopent à l'infini autour des cristaux Alors, si ou. tu casses pas le cristal, il continue à popper à l'infini. Ah. Alors, les gens vont. Il y a quand même un côté qui est un peu chiant parce qu'ils t'attaquent. Donc, imagine, tu te retrouves dans un fight avec un autre adversaire. Les zombies continuent à te pourchasser, éventuellement à te mettre des coups. Et en plus de ça, ils te pètent les construits. Donc il casse les construits, donc tu peux tomber de tes construits. Sauf que casser les construits, ça sert à rien vu que t'as plus de chute en fait. Si ce n'est que ça t'emmerde parce que t'as plus tes protections pour te protéger de l'ennemi. Ça enlève toute une facette du jeu en fait Ben en parce fait, celle que. qui était la plus intéressante, c'est-à-dire prendre l'ascendant sur l'adversaire, prendre la hauteur pour éventuellement lui mettre des têtes, etc. Et le troisième truc, c'est la dernière mise à jour sur les explosifs, qui fait que maintenant, quand tu tires à l'explosif sur des constructions ennemies, il y a 25% des dégâts de l'explosif qui passent à travers. C'est-à-dire que tu te retrouves là aussi contre un joueur qui ne sait pas jouer, il a un bazooka, même s'il y a un mur entre vous deux, il a juste à spammer les murs qu'on construit avec son bazooka et il t'éclate la tronche. Sachant que maintenant, il y a un nouveau lance-missile qui s'appelle le quadrilanceur qui permet de tirer par vague de 4 roquettes qui enlèvent 80 chacune. En gros, divisé par 4, ça fait 20. Donc il peut te mettre 4 fois 20 juste en une vague de bazooka alors que tu es enfermé dans un bloc. Enfin, moi, c'est des mises à jour que je comprends pas trop. Alors, ça peut être intéressant parce que des fois, on sait qu'il y avait des gros campeurs, ça permet de décamper certains gars. Mais. Sauf que, ouais, si c'est des campeurs, tu pètes le bas de leur constru et. Ouais, avant, ce que tu pouvais faire, justement, c'était de péter le bas de leur constru, éventuellement les faire tomber, ils se prenaient des dégâts, et là, tu te retrouves en duel contre lui. Là, en fait, ça casse toute une dynamique, et notamment dans l'e-sport. Là, ce qu'on a vu sur les dernières compètes, c'est qu'en fin de game, ils se retrouvaient à 50 dans la zone de fin, parce que tout le monde allait dans des zones un peu partout sur la map, et puis forcément dans les villes, parce que tu te déplaces hyper rapidement un peu partout. Ouais, tu refais une construction et tu ressautes d'en C'est haut. ça. Et tu t'es même plus emmerdé par la zone qui rétrécit au fur et à mesure, puisque avant, tu devais anticiper le fait que la zone allait arriver, et donc tu te barrais. Maintenant, en gros, tu construis une vague d'escalier, tu sautes, et tu peux planer jusqu'au centre de la map. Donc ça, c'est un peu décevant. Alors, ça apporte aussi un certain intérêt, parce que le fait de planer, des fois, ça permet aussi d'avoir un effet de surprise. C'est-à-dire que t'es en haut de ta construction, le mec est en train de te rusher, il essaye de monter pour reprendre la hauteur, toi tu peux planer et te retrouver dans son dos. Donc par moment ça peut être intéressant, mais je trouve quand même que ça casse quelque chose. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que ils essaient trop de toucher tout le monde, que ce soit les gamers casual, que les hardcore gamers. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que clairement, on voit qu'ils accordent quand même un soin tout particulier à l'e-sport. Ils investissent des sommes qui sont absolument dingues, ils mettent en valeur des joueurs, ils organisent des compètes quasi tous les week-ends et tout. Mais d'un autre côté, c'est ce que tu disais, ils essayent de s'adresser à tout le monde, ce qui est chouette aussi. Plus le jeu sera attirant de monde, plus il y aura de bons joueurs aussi, etc. Mais par contre, le fait de trop casualiser, tu perds. Ça va plus avec l'e-sport. Voilà, en C'est fait. pour par exemple pour prendre un autre jeu très compétitif, CSGO par exemple, qui est très dur à commencer. Il faut connaître les maps, bien savoir teamwork, connaître les armes, Après, connaître chose qui me rassure, c'est que Epic Games, c'est un des rares éditeurs de jeux qui est autant à l'écoute, je trouve, de la communauté. C'est-à-dire que quand vraiment la communauté dit, ah bah telle arme elle est naze et tout, il la retire. Et quand ils disent, enfin quand la communauté trouve un truc chouette, généralement ils le laissent. Et là, les premiers retours sur le fait qu'on pouvait planer, c'était à peu près à 80% c'est de la merde et 20% de personnes qui disaient, ah ouais, c'est cool. Après, c'est un peu normal qu'ils soient à l'écoute, vu que c'est un free-to-play et que leur économie enfin, reste sur le fait que les gens jouent Reviennent au jeu et reviennent surtout. et payent du Et coup le plus dur pour un pour. free-to-play, en fait, c'est de réussir à fidéliser ton joueur. C'est-à-dire que le free-to-play, vu que tu t'es pas engagé d'un point de vue monétaire, t'as pas investi 60 euros, si le jeu ne te plaît pas, tu le désinstalles. Mais là, en gros, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il semble annoncer que finalement, la communauté trouvait ces nouveautés plutôt chouettes. Alors que c'est pas du tout ce que j'ai lu sur Twitter, sur les forums, etc. Et que visiblement, pour le moment, ils avaient plutôt en tête à l'idée de garder cette chose. Donc moi, c'est quelque chose qui m'embête un peu. Alors ce qui me rassure, c'est que les zombies, ça va dégager, parce que franchement, ça a rendu le jeu beaucoup plus simple. Là où effectivement, ça peut te mettre en difficulté par moment, parce que t'as des joueurs qui sont moins bons, qui vont pouvoir être bien stuffés. D'un autre côté, moi en début de game, maintenant ce que je fais, c'est que je farme du zombie au lieu de me concentrer sur le fait de tuer des gars. Et j'arrive en fin de game et je massacre tout le monde parce que en fin de game, tu te retrouves contre des joueurs qui sont pas terribles et qui sont bien stuffés. Mais là, clairement, à stuff équivalent, hop, on leur met la misère. Et j'ai jamais fait autant de top 1 d'affilée que depuis qu'il y a ces fameux zombies. L'autre jour, sur 8 games, j'ai fait 7 top 1. Enfin, c'est hallucinant. Sachant que j'ai pas le niveau d'un joueur pro, quoi. Je me débrouille vraiment bien, mais j'ai pas un niveau qui est non plus phénoménal. Du coup, pour moi, ça demanderait vraiment un rééquilibrage là-dessus, ou du moins qui nous permette de jouer sans ces zombies ou sans le fait de planer. Même en terrain de jeu, donc il y a un mode pour s'entraîner, on peut plus s'entraîner sans le fait d'avoir le planeur automatique, quoi. Enfin, c'est complètement débile. Que du coup il fasse un mode plus pro, Ben, en entre fait, guillemets. pour la section, ils ont gardé ça. Ils ont gardé un côté où on peut jouer avec les zombies et un côté sans les zombies. Alors, il y a quand même cette histoire de planeur, mais déjà, ça vire les zombies. Parce que franchement, c'est pas très intéressant. C'est rigolo sur 2-3 parties, mais sur le long terme, ça commence à être saoulant, quoi. Ouais, ça serait. C'est drôle parce que c'est un événement. Voilà. Ouais, Halloween. C'était pour Halloween, clairement. Mais sur le solo duo, il n'y a plus cette possibilité. Par contre, chose qui est super chouette et que là, je mets en coup de cœur, c'est le fait que maintenant, ils organisent des espèces de tournois tous les jours pour tous les joueurs. En fait, il y a un mode un peu compétitif où, en fonction du nombre de kills et du résultat que tu fais, tu gagnes des points. Et si tu gagnes 20 points sur la soirée, donc en 2 ou 3 heures, tu débloques un symbole spécial, etc. Et ça, justement, ça met en avant le côté compétitif. Et clairement, le niveau est meilleur sur des parties comme ça que sur des parties classiques. Donc en fait, voilà, c'était à la fois un coup de cœur, coup de gueule, puisque c'est un jeu que moi j'adore. Normalement, j'aime bien les jeux de tir, ben, mais c'est pas un truc sur lequel je vais passer énormément de temps, sur lequel je vais revenir très souvent. Et celui-ci, mine de rien, ça fait quasi un an que j'y joue. Je trouve qu'il a des mécaniques super intéressantes, mais des fois j'ai l'impression qu'ils se perdent un peu. Ils vont faire une mise à jour qui est top, derrière ils vont rajouter des trucs qui ultra casualisent. Tu sens qu'ils se cherchent encore un peu, quoi. C'est un jeu qui se cherche en permanence. C'est à la fois intéressant parce que ça séduit des nouveaux joueurs. Clairement, le niveau moyen aujourd'hui est beaucoup plus élevé qu'avant. Ça, c'est super agréable. Mais d'un autre côté, des fois tu fais, mais vraiment, tu comprends pas ce qu'ils font, quoi. T'as des nouveautés, là ils ont remis l'arbalète, enfin l'arbalète c'est un item que personne aime. Tu touches quelqu'un, tu lui enlèves 40 dommages, sur 200 c'est rien du tout, une tête c'est 60. En gros l'arme ne sert à rien. Et voilà, c'est plein de petits trucs comme ça que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur Fortnite. On reparlera peut-être légèrement de Fortnite à la fin parce que ça peut être un des sujets qu'on pourra aborder dans un futur débat. De la F-Cast. Du coup, on se retrouve maintenant pour le débat. Le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, c'est la réalité virtuelle. Alors, on va peut-être assez souvent utiliser le terme de VR, qui veut dire Virtual Reality en anglais. Ça permet d'aller, je dirais pas plus vite que dire réalité virtuelle, un petit peu, mais c'est surtout que c'est un peu le terme qu'on utilise maintenant dans le langage courant. Et l'idée, c'est de faire un petit peu un état des lieux de la réalité virtuelle, savoir si dans le monde du jeu vidéo, est-ce que c'est véritablement une révolution, est-ce qu'on est aujourd'hui satisfait de ce que ça donne, et surtout, quelle perspective ça nous offre pour demain? Qu'est-ce que ça va donner demain? Quand je dis demain, bien évidemment, on parle des années à venir. Quel avenir pour la VR? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bref, est-ce que tu as envie peut-être de commencer à parler, ou est-ce qu'on définit peut-être ce qu'est la réalité virtuelle pour ceux qui ne savent pas? Tu peux définir, ouais. L'idée de la réalité virtuelle, en gros, c'est nous en tant que joueurs, mais ça s'applique pas que dans le monde du jeu vidéo. La réalité virtuelle existe dans le monde médical ou militaire, bref, dans plein de mondes différents. C'est qu'en gros, alors aujourd'hui, grâce à un casque, mais peut-être demain grâce à d'autres technologies, d'être plongé nous dans un environnement qui n'existe pas, qui est virtuel. Typiquement, on va prendre un exemple. J'enfile un casque et j'ai l'impression d'être au milieu de Tokyo. J'ai l'impression d'être dans mon jeu préféré ou d'être sur la Lune. En gros, c'est ça le principe de la réalité virtuelle. Généralement, on le met un petit peu en opposition avec la réalité augmentée, qui est un petit peu l'inverse. Là où la réalité virtuelle nous plonge, nous, dans un environnement virtuel, la réalité augmentée rajoute des éléments virtuels et numériques dans notre réalité. Voilà, c'est un petit peu ça les deux différences. Et du coup, la réalité virtuelle, c'est un phénomène qui se développe de plus en plus dans le monde du jeu vidéo, notamment depuis l'arrivée de trois casques assez populaires. On a d'un côté l'Oculus Rift, qui était un petit peu l'initiateur de tout ça. Le PSVR, donc qui est le casque de réalité virtuelle de Sony pour sa PlayStation 4. Et le HTC Vive, qui est aujourd'hui un petit peu la machine de guerre, c'est-à-dire ce qu'il y a, je dirais pas de mieux sur le marché, mais sur le marché grand public, pas professionnel, c'est un des casques de réalité virtuelle les plus performants, mais qui demande pas mal de place. Ouais, surtout celui le plus cher, Ouais, bah, il coûte forcément. 500, 599 euros maintenant. 500, 549, Ouais, mais je pas crois pour qu'ils ont le kit baissé. complet avec tout, si? Si. Parce qu'avant, il y avait, pour le kit complet, il fallait débourser plus de 1000 euros pour tout avoir, c'est-à-dire Non, avant avoir. c'était 900 euros, il me semble. Ah oui? Mais ils ont largement baissé leur prix depuis qu'ils ont vu que ça baissait, parce que quand. Avec le PSVR et l'Oculus Rift en face, qui sont très abordables par rapport, enfin, qui sont moitié moins chers pour pas vraiment moitié moins de performance, qui marchent aussi très très bien. Surtout que j'ai vu que pour continuer sur l'avenir de la VR, parce que je suis quelques youtubeurs américains qui font de la VR et ils ont été invités il y a pas longtemps chez Oculus pour un nouveau casque. Je sais pas où ça en est parce que j'ai vu passer des actualités. Alors, comme quoi on rappelle juste rapidement que Oculus maintenant ça fait partie du groupe Facebook, donc Facebook a racheté l'Oculus. Ça peut avoir un impact aussi sur l'avenir de la réalité virtuelle. C'est quelque chose à souligner quand même. Ouais, du coup, ils comptent sans doute mettre beaucoup plus de moyens. Il y a beaucoup plus de moyens aussi à mettre avec Facebook. Et du coup, il y a des youtubeurs américains qui ont été invités chez Oculus pour tester un nouveau casque qui s'appelle l'Oculus Quest, qui est d'ailleurs sur le site d'Oculus et qui n'est pas encore en vente. Mais j'ai regardé ça. Et ça a l'air très très prometteur, on les voit les tester. Et en fait, ça fait c'est aussi puissant que le Rift, et c'est pareil que le Rift. Mais en fait, c'est tout dans le casque. Et on n'a plus rien à part le casque. Plus de capteurs dans les mains. Enfin si, je crois que t'as les capteurs encore dans les mains. Plus de câbles. Mais t'as plus aucun câble. D'accord. Et le PC est dans le casque. Ok. Les capteurs sont dans le casque. Et du coup, t'as juste les deux manettes et le casque. Et on les voit jouer au jeu de l'Oculus Rift normal avec ce casque-là. Et où tu vois toute la bibliothèque, et j'étais plutôt impressionné. Parce que là, si on devait faire un petit peu un état des lieux, aujourd'hui, une des difficultés, justement, moi je trouve, de la réalité virtuelle, c'est notamment le cas avec le PSVR, c'est que c'est un... Pardonnez-moi pour l'expression, mais c'est un bordel de câbles. T'en as partout. Un PSVR, t'as ton adaptateur qui va entre ta console, ton casque et ta télé. T'as donc deux câbles HDMI, un qui va entre la télé... Alors, en soi, t'es pas obligé d'utiliser la télé, mais généralement, la PS4 est branchée à la télé. Un qui va de ta télé à ta console, un qui va de ta console à ton casque. Enfin, bref, il y a du câble partout. Ouais, et pour le PC aussi, c'est pareil. Il faut 6 ports USB normaux avec 3 ports USB 3.0, des ports HDMI. Il faut que tu puisses relier sur ta carte graphique directement. Tant de câbles et compagnie. Et toi, aujourd'hui, sur la réalité virtuelle, est-ce que tu es satisfait de l'offre qui est proposée ? Alors, à la fois d'un point de vue machine, c'est-à-dire est-ce que les casques arrivent à te satisfaire ? Et d'un autre côté, d'un point de vue jeu, parce que c'est ça qui interroge aussi. Est-ce que les joueurs aujourd'hui ont assez de jeux à se mettre sous la dent s'ils ont un casque de réalité virtuelle à la maison ? Ça dépend de quel type de jeu on veut jouer, mais en tout cas, niveau technologie, c'est peut-être un peu trop cher pour ce que ça fait pour l'instant, parce que ça fait. Je dirais pas autant, mais que ça, c'est un peu comme avec les vidéos 360. Mais en fait, c'est plutôt le PC qui fait tout, donc je vois pas pourquoi le casque coûterait 500 €, alors que avec ton téléphone dans un cardboard. Après, le rendu est pas le même. Oui, mais ça fait quand même un peu cher pour. Pas pour ce que c'est, mais... Donc toi, aujourd'hui, tu serais pas prêt à mettre 400-500 € dans un casque de réalité virtuelle ? Si, parce que j'aime bien la VR, mais... Ouais, mais à la place du grand public... De toute manière, on sait que pour le moment, la réalité virtuelle, c'est pas ultra démocratisé, ça reste encore une curiosité pour la plupart des gens. C'est pas encore une habitude. Après, moi je dis que je serais prêt à faire ça, parce que... Je joue pas que à la VR et que mon PC il est déjà VR ready et que j'ai juste à acheter le casque, donc ça me fait beaucoup moins de coûts que quelqu'un qui veut jouer à la VR et qui doit s'acheter le PC plus le casque. Ouais, ou la console et le casque, parce que tu disais tout à l'heure que le PSVR était pas si cher. C'est largement meilleur marché de se prendre le PSVR. Ça reste VR moins avec cher, la PS4. Alors, si on part du principe que la personne a déjà la console, effectivement, c'est pas si cher que ça. Même si les 300 € d'un PSVR, tout le monde n'a pas les moyens de les débourser. Mais le truc, c'est que quelqu'un qui n'aurait pas la PS4, acheter la PS4 plus le PSVR plus la caméra et éventuellement un jeu qui fonctionnait avec, au final, il faut bien mettre au moins 700 euros. Quoi. Ça reste meilleur marché qu'un PC gamer et le. C'est clair, un PC gamer et un. Allez, même on part sur un Oculus et pas un HTC, il faut mettre au final au moins 1400 euros, quoi, à mon avis. Un bon PC qui fait tourner la VR. Mon PC, il est VR ready et il a coûté 700 euros. Mais il est vraiment optimisé, il fait tout tourner. Pas sûr, si. Ok. J'ai regardé avec le. Parce que sur Oculus, t'as un logiciel de benchmark pour voir si ton PC est VR ready quand c'est pas marqué en fait. Moi, aujourd'hui, sur la réalité virtuelle, c'est une technologie qui me fascine, clairement. En gros, être le héros de son propre jeu vidéo, c'est incroyable. Par contre, je suis pas encore satisfait de l'offre qui nous est proposée. C'est-à-dire que moi, j'aurais plutôt tendance à aller vers le PSVR parce qu'il y a la facilité du fait qu'on a déjà sa console. La console est pensée pour le jeu. Après, le PC, on peut faire plein d'autres choses. C'est ça aussi qui est intéressant. Mais côté gamer, je trouve que généralement, le marché des consoles, on dit beaucoup sur là où on en est. Et par exemple, sur le PSVR, alors je ne sais pas si c'est le casque qui s'est le plus vendu des trois, mais globalement, il a plutôt bien marché sans que non plus ce soit un grand succès. Hein. Clairement, on regarde autour de soi, on ne connaît pas beaucoup de monde qui possède un PlayStation VR à la maison. Bah, surtout, ouais, les vrais gamers, enfin, vrais... Ouais. Et quand on interroge les gens, finalement, ils ont plus acheté pour soutenir... Enfin, un, pour la curiosité de la technologie, mais pour se dire, bah, si personne achète le casque de VR, effectivement, on n'aura rien. Ça ne va pas aller loin. Mais l'offre de jeux vidéo, surtout, est pas dingue, quoi. Il y a eu quelques jeux qui étaient sympas. Il y a eu Resident Evil 7 sur PS4, il y a eu Eagle Flight, etc. Mais aujourd'hui, je trouve pas qu'il y ait un jeu qui justifie l'achat d'un casque de réalité virtuelle. Moi, il y a rien qui me dit, il faut absolument que je joue à ça en réalité virtuelle. Ben, avec l'Oculus sur PC, parce que j'ai un peu regardé, comme c'est dans mes projets de prendre un Oculus, le temps que j'ai assez économisé pour ça, mis de côté, ça aura baissé sans doute le prix, mais les quelques jeux que j'ai vus, c'est un jeu de graffiti, où on peut faire, ouais. Faire un graffiti sur un grand pan de mur dans un espace plutôt vaste, que ça soit sur un toit, dans une cour, dans une arrière-cour, des trucs sympas aussi, super hot qui peut être sympa. Ouais, non mais effectivement c'est un bon jeu, mais enfin moi, oui, je me mets à la place, ça justifierait pas l'achat de la VR pour le grand public. Moi je me mets à la place d'un joueur j'aime pas le mot lambda, mais voilà, d'un joueur qui joue ponctuellement aux jeux vidéo, qui joue quelques fois par semaine, etc., qui aime les jeux vidéo, qui s'achète quelques jeux dans l'année. C'est pas un super hôte qui va lui faire acheter un casque de réalité virtuelle. Là, on est clairement sur un marché de niche. Aujourd'hui, il n'y a pas, comme sur console, un Zelda, par exemple, ça fait vendre des Switch. Un GTA, ça fait vendre des PS4, des Xbox One, etc. Pour le moment, j'ai pas l'impression que il y a un éditeur qui se soit assez mouillé, qui ait sorti vraiment un truc, un jeu assez ambitieux, etc., qui justifie à lui seul. Après, tout dépend du comment dire, du type de jeu que, comme j'ai dit tout à l'heure, que le type de jeu que tu préfères, parce que moi j'ai regardé par rapport aux jeux de dessin ou autres artistiques, il y a beaucoup de choix. En FPS, ça commence un peu, mais si, en FPS, il y a eu Farpoint, je crois, qui était assez ambitieux et qui était pas mal. Mais là aussi, Farpoint, t'en parles à quelqu'un qui joue ponctuellement aux jeux vidéo, c'est pas un jeu après, qui lui après Farpoint chose, aussi, il fallait prendre fallait acheter le. Oui, le support, l'espèce de support manette pour avoir un fusil entre les mains. Alors, je crois que tu pouvais jouer sans avec, mais là, ça demande les PS Move aussi. Et PS Move, c'est aussi. Ils sont pas fournis avec, non ? Je crois pas. Mais non, quand t'achètes un casque de VR, t'as pas les PS Move d'offert. Alors il y a peut-être un pack. Oculus, ils avaient sorti un pack VR Go. Ok. Où il y a juste le casque. Ok, ça peut être pas mal. Pour parce que juste le casque, mais il coûte quand même 300 et quelques euros. Mais je trouve que juste le casque, autant faire avec son téléphone la les vidéos 360, parce qu'avec juste le casque, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire sans les manettes, sans... Ouais, mais déjà, tu as des expériences de jeu qui peuvent se jouer avec un casque et une manette, sans que ce soit des manettes à mouvement style PS Move ou des Wiimote. Oui. Tu peux déjà faire des choses. Il y a déjà pas mal de jeux de voiture qui marchent pas mal. Je crois que sur Mais j'avais testé sur... PS4, tu as eu... Ouais, sur PS4, le jeu de... il y a un jeu de F1 que... Ouais, il y a eu aussi... non, c'est pas Drive Club. Enfin, je sais plus, mais il y a eu du jeu de voiture. Il y a pas mal de petits trucs, mais à mon avis, en fait, c'est un cercle quasi vicieux dans le sens où c'est un peu le symptôme Wii U. Ça se vend pas énormément. Du coup, il y a assez peu d'éditeurs qui se mouillent et qui se disent, bon, bah voilà, nous, on va sortir un gros jeu. Et au final, ben, ça avance pas trop, trop, quoi. Côté jeu, hein. Là, bien sûr, je suis côté jeu, pas côté technologique. Si, par exemple, là, tu me Côté parlais tout à l'heure technologique, ouais, du c'est nouveau un... casque. Clairement, il y a de l'évolution. Là, de plus en plus, il y a eu aussi les premiers casques où tu pouvais avoir en gros un sac à dos avec ton ordi dans le dos, etc. Enfin, Oui, j'ai vu ça, mais en fait, ça reste contraignant, quoi. la technologie va précéder les jeux, donc au fur et à mesure que la technologie va évoluer, Mais le truc, c'est il va y avoir de que, plus en plus de jeux. effectivement, avoir une technologie qui évolue, c'est intéressant, mais si derrière, t'as pas de jeu, bah, ces technologies, elles vont pas se vendre auprès des joueurs. Alors effectivement, ça va peut-être se développer dans d'autres secteurs, dans l'immobilier par exemple, pour visiter des appartements, des trucs dans le genre. Mais si on a envie de conquérir les joueurs, il faut du jeu. Donc oui, il y a eu Resident Evil 7 qui était pas mal. Après, moi j'aimerais bien voir les statistiques de combien de joueurs ont fait Resident Evil 7 en VR et combien l'ont fait en mode classique, quoi. Mais tu serais étonné de voir combien de jeux il y a sur l'Oculus. Il y Oui, non, mais c'est a... pas qu'une question de quantité, c'est une question aussi d'avoir des licences phares qui font vendre. Parce que avoir plein de petits trucs, ça suffit pas. Là, on l'a vu chez Sony, par exemple, ils ont fait il y a pas longtemps un petit événement pour présenter toutes les nouveautés en réalité virtuelle. Mais ça parle pas aux gens. C'est pas tous ces petits jeux, des petits jeux indés qui vont vendre beaucoup de casques, en Ouais, fait. les gens se disent c'est sympa, mais... Voilà, c'est ça, les gens ils vont faire, ah ouais, c'est rigolo, bah vivement que je réessaye à l'occasion. Mais c'est pas ça qui va faire, ah bah je vais mettre 400 € dans un casque pour acheter tous les petits jeux à 10 € qui sortent sur mon PSVR. Non, ce qu'il faut c'est, moi je sais pas quelle licence, mais en gros qu'on nous annonce, bon bah voilà, je sais pas, un Far Cry ou n'importe quoi totalement en VR. Après, ça demande aussi une évolution technologique. Et c'est pour ça que quand tu abordes le nouveau casque de l'Oculus Rift, c'est intéressant parce que, à mon avis, une des contraintes, enfin, une des choses qui justifie le fait que les gens n'ont pas forcément de casque de VR à la maison, il y a un, le manque de jeu, deux, ça reste quand même toujours assez cher, mais aussi le fait que ça reste assez contraignant. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, il y a quand même une contrainte technique, c'est-à-dire que si tu as envie de te déplacer dans le jeu, tout en bougeant dans la vraie vie, ça demande quand même d'avoir de la place chez soi, etc. Et C'est pour ça, c'est ça pas que forcément évident, hein. le nouveau casque, comme je t'ai dit, il scanne entièrement la pièce autour de toi Ça, et c'est intéressant. ça fait... J'ai vu ça, j'étais plutôt étonné. Non, mais je sais plus qui... Un grand nom d'Oculus qui a quitté la boîte qui a dit avant de quitter, c'était que avant que ça devienne grand public, faut que la technologie évolue Ben sur oui, la clairement. VR. Clairement, on voit que pour le moment, on est sur les prémices de quelque chose, C'est comme que l'horizon peut être brillant, mais que pour le moment, c'est encore un peu ouais, compliqué. Et c'est pourtant, moi, ça fait partie clairement de mes rêves de gamer. Mais par exemple, moi, j'ai acheté aucun casque, et c'est pour ces raisons. Un, c'est cher. Deux, pas pratique pour le moment. Et trois, il n'y a pas de jeu qui me donne envie. Il y a plein de trucs que je me dis, ah c'est sympa, j'ai bien envie de le tester, mais rien qui me dit, putain, mais vivement que je fasse ça, ça a l'air incroyable, il me faut un casque pour jouer à ce jeu, quoi. Pour faire une comparaison, ça serait un peu comme une borne d'arcade, mais comme en un peu plus cher. C'est sympa d'y jouer, mais t'en achèterais pas une pour mettre chez toi. Enfin, je veux dire, avant. Bah, Après, ce que tu dis, ça peut être intéressant aussi sur la bande d'arcade, puisque par exemple, les bandes d'arcade, où est-ce qu'on les retrouve? Ça va être dans des espaces publics, type des cafés, etc. Et aujourd'hui, on sait que justement, il y a des espaces VR qui commencent à ouvrir. Un peu comme on va faire un bowling ou une escape game, aujourd'hui on peut aller dans des centres Ah, VR, on oui, paye pour 1 heure, etc. surtout à Paris, oui, mais Mais comme... ça répond justement à une contrainte. C'est eux, ils ont la place, éventuellement ils ont tous les jeux, donc toi t'as pas forcément besoin d'acheter la machine, etc. Tu vas jouer au jeu auquel tu as envie de jouer. Et généralement, ils peuvent se permettre d'investir dans les technologies les plus récentes, etc. Mais l'avoir chez soi, pour le moment... À moins vraiment d'être un passionné, curieux, etc., je ne sais pas si ça se justifie en fait. Moi, j'aimerais bien en avoir, mais il n'y a rien pour le moment qui fait que... Moi, il y a quelques jeux qui me donnent envie, des jeux où tu peux créer un monde un peu genre à la Lego, mais enfin faire jouer comme avec des Lego, mais en beaucoup beaucoup plus grand. Non, mais évidemment, ça c'est génial, mais... Moi, demain, on propose, voilà, t'as tel casque, il est super pratique, il n'y a pas de câble, etc. Tu peux te déplacer à peu près librement chez toi dans une pièce où il y a quelques obstacles. En gros, on a inventé une technologie qui permet de faire en sorte que dans le jeu, on va te créer un obstacle pour pas que tu as un truc dans le genre. Bah c'est ça l'Oculus Quest. Ouais, C'est et en plus de ça, qu'on me dise, bah, dessus, tu vas avoir voilà, une Bah vingtaine de j'ai jeux incroyables, tu vas pouvoir te faire genre... je sais pas, tu vas pouvoir... je sais pas, par exemple pour le Assassin's Creed en Égypte, ça en VR, ça m'aurait tenté, tu vois. Ça aurait pu être un truc qui m'aurait fait rejouer Assassin's Creed, tu vois. J'y joue plus depuis quelques années parce que j'en ça ai... resterait plutôt difficile de faire un open world Ouais, non, mais sur en plus, il y a les VR. contraintes. Je pense que Assassin's Creed, ça doit être un Et peu puis gerbant, tu vois, quand tu sautes ça du haut d'une serait, tour. ben, enfin non, ça serait quand même plutôt un, de niche parce que les gens qui seront, comment dire, qui auraient mal des transports ou autres pourraient pas vraiment y Mais ça, jouer par exemple, parce ça fait que. partie des contraintes aujourd'hui de la réalité virtuelle. Il y a des choses à perfectionner parce qu'on se rend compte que les appareils aussi rendent malades certaines personnes. Enfin, donc c'est aussi quelque chose à perfectionner. C'est de trouver un système qui ferait que ben, les gens seraient peut-être moins malades ou créer des jeux qui donnent pas cette sensation. Eagle Flight, Ça, qui est fait ça, par je trouve que Ubisoft, était ça. plutôt malin. Parce que en gros, ton personnage, enfin ton aigle, en fait dans ce jeu on incarne un aigle qui va pouvoir se balader dans un Paris où la nature a repris ses droits, va se déplacer en fonction des mouvements de notre tête. Du coup, à aucun moment notre cerveau dit attends, je capte pas là, dans le jeu je suis en train de bouger, mais en vrai je suis pas en train de bouger. Ben non, là c'est pareil. Parce que généralement c'est ça qui donne envie de vomir, c'est que tu vas donner un coup de manette un peu violent. Et dans la vraie vie, t'es assis dans ton canapé, t'as pas bougé, alors que dans le jeu, t'as fait un 360 degrés. Enfin. Ça me fait penser à, enfin, personnellement, en fait, j'ai pas de sentiment de vertige ou autre, donc Ah, ça me dérange pas, moi non mais plus, j'ai pas trop ça, mais j'ai testé un jeu qui était vraiment mal c'était réalisé et celui clairement. dans l'espace, non? Non, Parce c'était qu'il y pas dans avait. l'espace, c'était une espèce de jeu d'horreur, mais c'était pas Resident Evil, c'était un autre truc. Et en fait, ton personnage, pour le guider, t'es pas au PS Move où tu bouges pas vraiment avec ta tête, etc. C'est tu guides les pieds avec la manette. Et donc, au bout d'un moment, je me suis tourné un peu violemment et clairement, j'ai eu un petit coup de chaud, quoi. J'ai senti que mon corps se réchauffait et que je commençais à avoir presque envie de vomir. Alors que tu vois, j'ai testé plein de trucs en VR. Des fois, j'ai fait des sessions de 1 heure, 1 heure et demie, tu vois, sans problème. Mais tu vois que la conception du jeu joue beaucoup sur l'expérience et là carrément sur quelque chose qui est physique, hein. Ouais, puis après il y a, moi je trouve que ça peut être aussi psychologique par moment où les gens qui ont envie de vomir parce que dans leur tête ils pensent que tout l'environnement autour d'eux est vrai alors que je sais pas, moi quand je me dis que non enfin c'est juste des écrans devant moi ça me perturbe moins quand par exemple la seule fois mais ça c'était la première fois où j'ai fait de la VR c'était dans l'espace où mais du coup mon personnage je l'avais un peu trop je l'avais mal géré et mon personnage tournait sur lui-même dans l'espace un peu dans tous les sens et Ah, je la connais où je cette faisais simulation. des ouais où il y a une explosion dans la station et ouais et ben il y a juste là mais bon comme c'était ma première fois à VR mais comme je l'ai fait une première fois ça et quand je l'ai refaite plus tard ça allait et j'ai même pu la faire debout et c'était pas un problème. Et du coup, tu crois vraiment que la réalité virtuelle trouvera son public un jour ou est-ce que ça restera quelque chose d'un peu un marché de niche J'espère que... Enfin, je pense que oui, au moins elle trouvera son public si la technologie se développe, mais après, elle pourra même devenir, comment dire, une plateforme de jeu à part entière si ça se retrouve sans PC, sans câble, comme l'Oculus Quest, et que, comme les consoles portables, les consoles de salon et les PC, ça puisse, et les smartphones, ouais, maintenant, cohabiter avec le reste. Puisse être, oui. Là-dessus, moi, je suis plutôt optimiste, mais je pense pas que ce soit si proche que ça, en fait. À mon avis, ça prendra quand même quelques années. Mais clairement, on sait que c'est un peu un fantasme de gamer, hein, d'être, d'incarner le héros, d'être dans son jeu vidéo, d'être immergé à 100%. Mais je pense que avant, là où souvent le jeu vidéo est précurseur, et on voit que beaucoup de choses se font dans la réalité virtuelle, dans le jeu vidéo, avant les autres secteurs, je pense qu'il y a d'autres secteurs qui vont s'emparer encore plus de la réalité virtuelle avant que ça se démocratise auprès des joueurs. Tu vois, on parlait tout à l'heure de l'immobilier, etc. Mais on peut imaginer ça dans plein de milieux. Le militaire, milieux. Par exemple. Ouais, ou le médical aussi. Pour ça des peut être drones. Intéressant. Ou... Ouais, oui. Ouais, on sait que ça se fait déjà hein, dans le milieu militaire. Mais ouais, auprès du... Je pense qu'il y a quand même des étapes encore à passer dans la réalité virtuelle. On est encore sur les débuts de quelque chose. C'est ultra perfectible. Il y a vraiment des progrès à faire. Mais par contre... Dès qu'on aura une technologie qui sera aboutie, des systèmes de jeu qui sont agréables, des technologies qui sont plus légères, plus confortables, et notamment un panel de jeux qui est plus large, là, ça deviendra véritablement intéressant. Toi, c'est une question que j'aurais bien aimé poser à plus de monde, mais du coup, je vais te la poser. Ton expérience réalité virtuelle idéale, ce serait quoi ? Qu'est-ce que tu aimerais vivre d'un point de vue vidéoludique, hein, dans le jeu vidéo en réalité virtuelle ? Je ne saurais pas vraiment la décrire, mais je sais pas, un espèce d'open world comme peut-être à la GTA, mais après moi, j'ai acheté GTA il y a... Bon, ça fait... déjà 7 mois, mais même un peu plus. Mais comme j'y rejoue depuis, mais plus en online, je trouve que ça reste... après, c'est un vieux jeu, mais ça reste limité, du coup. Mais j'ai pas testé Red Dead Redemption 2. Mais... Redemption, la grosse révolution maintenant, c'est que tu peux caresser des animaux. Est-ce que tu rêves de caresser des animaux en réalité virtuelle? C'est bizarrement, pas vraiment, mais... que tu puisses plus interagir avec le décor comme je sais que dans Watch Dogs 2 il y avait un peu ça mais genre vraiment très peu où tu pouvais aller vandaliser des affiches de pub. Je sais pas si t'as testé toi ce jeu là. J'ai joué au premier pas au 2 et j'avais été assez déçu parce que j'avais pas mal d'attentes. Je pense comme tout le monde hein, quand on a vu les vidéos de l'E3 on était comme des dingues et quand t'y as joué t'as fait bon déjà le jeu est beaucoup moins beau et pas aussi ambitieux que ce qu'on imaginait. Mais le concept était cool. Moi, le 1, j'ai pas réussi à être déçu parce que j'ai eu gratuitement. Donc, et le 2, après, j'ai bien aimé, mais parce que bon, j'aime bien le fait de liberté et tout, d'open world. Mais à terme, ouais, un open world pas trop moche, mais où qui soit vraiment un open world où tu puisses, je dirais plus à la Arma, mais je sais pas si t'as déjà testé Arma 3. Rapidement. Ou en fait, c'est un vrai open world. Quand tu vois quelque chose, tu peux y aller. Tu vois une maison, tu rentres dans la maison. Mais quand tu dis ça, moi, ça me fait penser à deux autres jeux que j'adorais faire en réalité virtuelle. Le premier, c'est faire un Zelda en réalité virtuelle, quoi. Ça serait incroyable. Breath of the Wild, surtout. Ouais, Breath of the Wild, clairement. Tu peux aller partout. C'est-à-dire que n'importe quel élément que tu vois dans le décor, tu peux y aller. Tu vois, t'es pas comme dans ces open world où quand tu vois une montagne, ton perso, il se cogne et t'as un mur invisible. Là, tu vois une montagne, et tu la grimpes. Et le deuxième truc, moi, ce qui me ferait kiffer, serait de tester un Minecraft en réalité virtuelle. C'est-à-dire ça existe déjà. Tu pourrais... Ah ouais ? Oui, ça existe déjà. Mais c'est un truc officiel ou c'est un bidouillage de fans ? Non, c'est un truc officiel. Ah ouais ? Ils ont sorti, tu regarderas, il y a Fanta, d'ailleurs, qui a sorti avant qu'ils partent. Donc, ça fait quand même... Ça fait quand même plus longtemps, même longtemps avant qu'il parte. Je sais que Minecraft, il avait annoncé en réalité augmentée, donc sur une table, tu pouvais poser des blocs. Non, ça, je savais pas. Et ça, c'était incroyable. Alors, c'était une vidéo qu'ils ont montrée un jour. C'était à l'E3 et ça tournait avec un HoloLens, donc le truc de Microsoft. Donc, c'est des lunettes de réalité augmentée de Microsoft. Et c'était incroyable. Le mec était sur sa table. Il regardait sa table et il avait son environnement Minecraft qui apparaissait sur la table et hop, il pouvait faire apparaître des blocs et tout. Enfin, mais l'avoir en réalité virtuelle, ça doit être assez dingue, quoi. Parce que là, quand tu disais, en gros, des environnements ouverts où tu peux aller un peu partout, c'est les deux jeux que ça m'a évoqué. Je sais que des mecs avaient réussi à bidouiller Skyrim pour se le faire en réalité virtuelle. Bon, on voit. Hop. Ah ouais, effectivement. Ça rend pas bon, très bien. Là, je suis en train de regarder écran, des images, mais bon, par contre, on voit que c'est un peu perfectible, mais effectivement. Non, mais enfin, en fait, sur l'écran, ça rend pas très bien, mais dans le casque. Oui, dans le casque, ça doit être vraiment pas mal. Mais ouais, clairement, il y a plein de choses à imaginer. Moi, en expérience idéale, déjà faire un Zelda en réalité virtuelle, ça doit être complètement fou. D'à côté, c'est ma licence de jeu préférée. Moi, Minecraft, parce que pareil, c'est un jeu que j'adore, comme j'y ai beaucoup joué. Et après, qu'on me propose des choses nouvelles, tu vois, que je sois amené. Là, des par exemple, ouais. On a vu des images du jeu au dernier E3 du jeu Cyberpunk. Ouais. J'ai un trou de mémoire sur son nom, mais. C'est Métro. C'est pas Cyberpunk quelque chose? Enfin bref. Je sais plus, y avait aussi un autre jeu, c'était. Je sais plus si c'est le même ou. Je sais plus exactement, mais c'est Metro Exodus. Ah non, non, ça c'est autre chose. Non, oui, là c'est vraiment un jeu où l'ambiance visuelle, t'es quasi sur du Blade Runner et chose, compagnie. Ouais. Et voilà, être dans des univers comme ça qui changent complètement, enfin. Ça vraiment, ça me ferait. Ou Half-Life 3 en VR. Ouais. Et sinon, des jeux. Alors c'est un genre de jeu auquel on joue moins aujourd'hui, mais les jeux où. Tu as l'espèce de god game, c'est-à-dire que toi, tu es une espèce de dieu en quelque sorte, et tu peux tout modifier dans l'environnement, etc. Ouais, mais c'est ça que je te disais qui était sympa. Enfin, c'était un peu comme Lego. Enfin, par contre, du coup, c'est figé le temps. Mais civilisation. Mais ouais, je pensais même à des jeux de stratégie où tu déplaces coup, des troupes et tout, ça pourrait être stylé, tu vois. T'es debout et t'as comme une table devant toi où tu vois tous les éléments. Mais limite, des jeux comme ça, moi je pense qu'en réalité augmentée, ce sera encore mieux. Tu vois, par exemple, en réalité augmentée, je sais pas si tu connais la licence de jeu Advance Wars. En gros, tu gères des espèces de troupes militaires. C'était un jeu qui était sorti notamment sur Game Boy Advance et ensuite sur Nintendo DS. Et c'était des jeux vraiment géniaux où, au tour par tour, tu prévoyais les déplacements de chacun des éléments de ton armée. Donc ça va être, t'as un tank, un ceci, un cela. Et l'objectif, c'est de capturer soit le point ennemi, etc. Enfin, c'est un jeu qui est vraiment cool. Je sais pas si j'ai des images sous la main, je te montrerai ça. Et ça, par contre, en réalité augmentée, où ça se passerait sur ta table de salon ou dans ton jardin et tout, ce serait génial. Idem pour du Pokémon. Pokémon, par exemple, c'est un jeu que je préférerais faire en réalité augmentée qu'en réalité virtuelle. En gros. Ouais, il y a des jeux, oui, qui se marieraient pas bien avec la. Enfin, c'est pas qu'ils se marieraient pas bien, mais c'est qu'ils se marieraient beaucoup mieux avec la réalité augmentée qu'avec la réalité virtuelle. Ouais, ça me disait quelque chose, je me disais aussi que j'avais déjà vu des visuels. Mais du coup, en gros, avoir un vrai Pokémon Go, on est sur le principe de réalité augmentée, mais on a toujours cette contrainte de l'écran qui est un peu chiant, etc. Là, tu irais vraiment, en gros, dans ton jardin, paf, et tu capturais tes Pokémon dans le jardin, et tu aurais l'impression qu'ils sont devant toi. Là, ce serait véritablement intéressant. Faire les combats, tu serais au milieu de ta ville, et tu ferais apparaître ton... ton Raichu et l'autre en face, son Dracolos, et boum, baston. Ça me fait penser, du coup, par exemple, pour faire apparaître un menu, comme, je sais pas si t'as regardé Sword Art Online, ouais. Où ils font comme ça, un geste de la main, juste du bas vers le haut, et ça fait apparaître un menu, mais là, c'est encore le niveau au-dessus de la VR. Et est-ce que tu penses que si vraiment la VR se démocratise énormément, est-ce qu'on pourrait passer sur... exclusivement du jeu en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'écran du tout S'ils enlèvent les contraintes du prix et du fait que ça te dérange certaines personnes et que du coup tu puisses te rester sur place debout, même si bon au bout d'un certain temps ça serait quand même plutôt épuisant de rester sur place debout. Et que du coup, tu puisses rester sur place debout et te déplacer librement dans un environnement sans enfin, ou même sur une machine, parce que j'ai vu ça, ou les machines où t'avances, les tapis où t'avances et que ça avance en même temps. Bah, sur quelque chose comme ça où ça donnerait pas envie de vomir à certaines personnes, moi je pense que oui, ça pourrait. Ça remplacera jamais une, comment dire, un clavier-souris avec un écran. Enfin, ça pourrait beaucoup mieux marcher, mais il y aurait encore. Mais en fait, moi ce que je me disais, c'est qu'il y a des genres de jeux par contre qui s'y prêtent pas du tout. Clairement, le meilleur exemple, c'est les jeux de combat 2D. Il y a un vrai public pour ça, c'est des jeux ultra compétitifs. Tu vois, tu prends un Street Fighter. Moi, j'imagine pas du tout du Street Fighter en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Ça deviendrait du Wii Sport Box. Bah ouais, en fait. Bah, en fait, on a ARMS déjà sur la Switch où tu te déplaces, tu vois. Le jeu est cool. Enfin, il est pas parfait, mais il est assez sympathique. Mais t'es pas sur la finesse que peut avoir un Street Fighter qui est ultra minutieux, qui va se jouer sur des... Il y aura toujours des, oui, il y aura toujours des genres de jeux qui passeront pas sur les... Et tu parlais tout à l'heure de CSGO. CSGO, ce qui est plaisant à voir, c'est une précision extrême, etc. Est-ce que ce serait intéressant en réalité virtuelle? Je suis pas sûr. En réalité virtuelle, il y aura des FPS en réalité virtuelle, mais... Par exemple, sur des trucs un peu plus lents, tu vois, c'est pas... Plus réaliste. Il y avait un jeu de Tom Clancy, alors à chaque fois j'oublie les noms, mais Rainbow Six... Ça c'est encore... c'est à la CSGO, hein, donc ça, non, mais alors il y en a un autre où en gros l'objectif c'est que t'as une mission et tu dois aller genre... Il y en a eu des tonnes et des tonnes de... Ou PD, là t'es... Ah, il y a... C'est où sur une Tom mission, Clancy's... Ou c'est dans un open world? Non, en gros, où je me trompe peut-être, mais j'avais l'impression qu'il y avait un des Splinter Tom Clancy. Splinter Cell aussi. Ou l'objectif... Ouais, un Splinter Cell, ça pourrait s'y prêter, parce que t'es sur de l'infiltration, voilà. En gros, en FPS... Mais Payday 2, c'est déjà en VR. Ouais, ben voilà, ben c'est ce que j'étais en train de dire. Il est vraiment super, et surtout qu'ils ont rajouté un fait que tu peux jouer... Que si t'as un pote qui a pas la VR... Et ben tu peux quand même jouer avec lui, toi, avec ton casque, et du coup, oui, il faut juste que t'aies un peu nickel, un mongol, mais... Parce que sur du Payday 2, alors j'y ai pas joué, mais à mon avis, t'es plus sur la notion d'infiltration que sur un truc hyper nerveux, précis à la Counter-Strike. Bah, Payday 2, en fait, tu peux choisir, bon, même si l'enjeu, c'est quand même de le faire en infiltration, mais tu peux aussi très bien t'amuser sans infiltration. Mais en général, sans infiltration... à part dans les hauts niveaux de difficulté, ça passe tranquillement, à moins que t'aies des problèmes. Mais en infiltration, c'est beaucoup plus le challenge, c'est de le faire en infiltration tout seul, et en fait t'es vraiment tout seul, t'as pas de bots qui sont avec toi. Ou ce qui passerait bien, c'est carrément les trucs beaucoup plus bourrins à la Doom. Ouais, Doom, Résistance, où là on te demande pas d'être ultra précis, parce que en fait, la contrainte en réalité virtuelle, par exemple en Counter-Strike, c'est le niveau de précision. Enfin, tu pourras jamais égaler le micro-millimètre que tu peux faire avec une toute petite pression sur ton clavier, etc. Oui, ou un truc sympa, un type de jeu sympa, ça serait les Musso en réalité virtuelle. Ou... Ce serait tellement le bazar, quoi, mais ça pourrait être... Le PC est assez puissant... Du coup, si on doit retenir quelque chose, c'est la réalité virtuelle promet beaucoup de choses, un avenir plutôt radieux, peut-être pas pour tous les genres de jeux, mais ce qu'on attend, c'est des prix moins chers, des technologies qui soient plus confortables, et de véritables jeux qui sont pensés réalité virtuelle, et pas seulement des jeux qui sont VR compatibles, mais vraiment que ce soit pensé comme une expérience à part entière. Et à mon avis, c'est vraiment vers ça qu'on peut tendre. Par contre, c'est clair que le jour où la technologie sera aboutie, ça peut devenir un phénomène qui est absolument incroyable. Après, avec toutes les questions que ça va poser, hein, parce que on parle déjà aujourd'hui pour certains jeux d'addiction aux jeux vidéo, etc. Là, clairement, on pourrait imaginer des gens qui préféraient passer leur vie dans un univers virtuel plutôt que dans la réalité. Tu vois, dans des jeux qui seraient un peu sociaux, t'as peut-être pas connu ça, mais il y avait eu un jeu qui s'appelait Second Life, où en gros l'idée du jeu, c'est que t'avais une nouvelle vie dans un jeu vidéo. Il y a un film qui reprenait ça, je sais plus comment ça s'appelait, Ultimate Game, tu l'as pas vu? En gros, c'est un film dans lequel justement on a développé des technologies de réalité virtuelle qui font que t'incarnes un personnage dans le jeu vidéo, et tu vois qu'il y a des mecs en fait qui vivent dans le jeu vidéo et ça plus dans la vie réelle. Un VR chat, mais encore plus évolué. Exactement. En gros, le truc, t'as l'impression d'être dans le réel, quoi. En gros, on te recrée un Ouais, monde. la SAO Ouais, ou exactement. autre copie de SAO en animé. Ouais. Exactement. Donc là aussi, ça peut être des débats super intéressants sur la VR, quelles limites aussi, parce que à mon avis, il faudra imposer un cadre, parce que ça, on voit déjà les débordements vers lesquels on peut aller. Enfin, moi, c'est déjà ce que j'imagine pour l'avenir. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur la réalité virtuelle? Non, pas vraiment. Bon, je pense qu'on a déjà fait un bel état des lieux, on a un peu réfléchi sur le demain, sur ce que ça peut devenir, sur nos attentes surtout. Et voilà. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. On vous a sélectionné déjà deux sujets pour le prochain AFCAS, donc pour le deuxième numéro. Un premier sur l'e-sport. On se posait la question, ben voilà, l'e-sport en ce moment, c'est en train d'exploser, déjà depuis quelques années, mais je trouve que 2018 est une année assez marquante dans le monde de Bah, je l'e-sport. pense que c'est surtout parce que tu vois Fortnite qui est ton jeu phare Ouais, mais tu vois, là, en... par exemple, aujourd'hui, alors le jour où on enregistre, il y a eu les finales de la Coupe du Monde de League of Legends, et j'ai l'impression que ça prend quand même une ampleur qui est assez dingue. Ben, ça oui, ça commence dans les pays occidentaux, même si c'est déjà dans les pays asiatiques Oui, bah, notamment en ce Corée, on sait que c'est là-bas depuis 10 ans, un champion de jeux vidéo, c'est comme un Zidane chez nous, quoi. Mais là, j'ai l'impression que cette année, il y a plein de grosses nouvelles structures aussi qui se sont créées dans le domaine de l'e-sport. Il y a plein de nouveaux acteurs, des nouvelles figures aussi qui émergent. Et bref, on aimerait discuter éventuellement de l'avenir de l'e-sport. Que sera l'e-sport demain? Quelle place ça va prendre dans le paysage médiatique, etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, on l'a un petit peu abordé, mais on aurait énormément de choses à dire dessus, c'est Fortnite. En gros, qu'est-ce que ça va devenir aussi? Parce que là, clairement, c'est le phénomène du moment, mais ça fait déjà un an. Tout le monde nous C'est vrai. annonçait qu'en février ou mars, c'était fini, et finalement, on se rend compte que c'est quand même un succès monumental, ça engendre des sommes astronomiques. Je Et en trouve que gros... ça commence à... Quand on regarde les tendances YouTube, il y a de moins en moins. Maintenant, c'est plus que les YouTubeurs qui sont spécifiés Fortnite, qui sont passés de Clash Royale et qui surfent sur les buzz, Mais qui... ça pourrait être intéressant quand même d'aborder ça. En gros, le succès de Fortnite va-t-il durer? Du coup, ce qu'on vous propose, c'est que vous trouverez sous ce podcast, alors il sera partagé sur nos réseaux sociaux, etc. Mais en dessous, vous devriez retrouver le lien vers un sondage et vous pourrez voter donc soit pour quel avenir pour l'e-sport ou le succès de Fortnite va-t-il durer? Et ça deviendra en gros notre sujet à débat du mois prochain. À savoir que le mois prochain, on devrait être plus nombreux. On devrait être 4, quatre 5. environ. Donc avec des nouvelles figures qui pourront partager leurs expériences et leur opinion à propos du jeu vidéo. Un mot à dire pour la fin? Pas spécialement, non. Moi, je finirai par jouer bien et n'hésitez pas à partager avec nous votre opinion sur ce premier AFcast. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et éventuellement, on adaptera des petites choses si... Vous avez vu des petites longueurs ou des choses qui vous plaisaient un petit peu moins, et on se dit au mois prochain. Salut! Salut.